Œuvre complète de saint Augustin, tome 12e, édition Guérin et compagnie, 1868. Extrait, de ce qui est bien dans le mariage. Chapitre 21, la continence comme habitude et comme acte. 25. La continence est une vertu, non pas du corps mais du cœur. Or quelquefois les vertus du cœur se traduisent en actes, quelquefois elles restent à l'état caché de simples habitudes. La vertu du martyr, par exemple, paraît avec éclat et se manifeste en face des souffrances à supporter, mais combien de martyrs de volonté, à qui, pour le devenir réellement, il ne manque que l'épreuve qui leur permettrait de produire aux yeux des hommes ce qui en eux n'est connu que de Dieu, et de manifester au dehors ce qui existe réellement dans leur cœur. Job, avant son épreuve, possédait la patience aux yeux de Dieu, qui lui rendait ce témoignage, mais il fallut l'épreuve pour révéler cette patience aux hommes. Job 1. L'épreuve arriva, et cette vertu jusque-là cachée dans son âme, se manifesta extérieurement, mais elle existait déjà. De même saint Timothée possédait la vertu de tempérance, et saint Paul ne la lui ravit pas en lui conseillant d'user d'un peu de vin à cause de son estomac et des défaillances qu'il éprouvait fréquemment. Timothée 5, 23. Autrement, c'eût été un pernicieux conseil, c'eût été l'intéresser à la santé de son corps, au détriment de la vertu de son âme. Mais comme cette vertu pouvait très bien se concilier avec l'invitation qui lui était adressée, Timothée put soulager son corps en prenant du vin, et conserver dans son âme la vertu de tempérance. En général, on entend par habitude ce qui nous permet d'agir, quand il en est besoin. Lors même que nous n'agissons pas, nous conservons le pouvoir d'agir. En appliquant ces principes à la continence charnelle, nous pouvons affirmer que cette habitude n'est point en ceux dont il est dit, s'ils ne peuvent se contenir, qu'ils se marient. 1 Corinthiens 7, 9. Mais elle est le privilège de ceux dont il est dit, que celui qui peut saisir saisisse. Matthieu 19, 12. C'est ainsi que, guidées par cette habitude de la continence, les âmes parfaites ont toujours usé des biens terrestres, quand ces biens étaient nécessaires pour obtenir un but ultérieur, elles en usaient sans attache. Et tout en conservant le pouvoir de ne pas en user, quand aucun besoin ne les y contraignait. Pour bien user de ces biens terrestres, il faut pouvoir ne pas en user. En effet, pour un grand nombre, il est plus facile de ne pas jouir que de jouir avec modération, d'où il suit que pour pouvoir user sagement, il faut que l'on puisse s'interdire l'usage même. Saint Paul faisait allusion à ce principe quand il disait « Je sais être dans l'abondance et dans la privation » Philippiens 4, 12. Se trouver dans la détresse c'est le sort commun à tous les hommes, mais c'est le propre des grandes âmes de savoir la supporter. De même, tous peuvent jouir de l'abondance, mais savoir en jouir, cela n'appartient qu'à ceux qui ne se laissent pas corrompre par elle. 26. Afin de montrer plus clairement encore que la vertu peut exister comme habitude sans se traduire en acte, j'invoque un exemple hors de doute pour des catholiques, celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Que, dans la chair réelle dont il était revêtu, il ait eu faim et soif. Qu'il ait mangé et bu, c'est un point sur lequel l'Évangile ne nous permet pas d'hésiter un seul instant. Conclura-t-on de là qu'il n'avait pas, au même degré que saint Jean-Baptiste, la vertu de tempérance? Jean est venu ne mangeant ni ne buvant, et ils ont dit, il est possédé du démon, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et ils ont dit, Celui-ci est un homme vorace et un ivrogne, l'ami des publicains et des pécheurs. Ne dit-on pas de nos pères ses serviteurs, de leur manière d'agir et de parler au sujet du mariage, voilà des hommes passionnés impurs, amis des femmes et de la volupté? Le reproche fait à Jésus-Christ n'était qu'une honteuse calomnie, quoiqu'il fût vrai qu'il ne porta pas la mortification extérieure aussi loin que saint Jean, c'est lui-même qui nous le déclare. Jean est venu, dit-il, ne mangeant ni ne buvant, et le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant. De même les accusations portées contre nos pères étaient d'une fausseté évidente. Ici c'est d'un apôtre vierge que les païens disent, il a les secrets de la magie, là c'est un prophète du Christ, vivant dans l'état du mariage et ayant des enfants, et les manichéens s'écrient, c'est un voluptueux. Mais la sagesse a été justifiée par ses enfants, Matthieu 11, 18, 19. Ces paroles du Sauveur suivent immédiatement celles où il est question de saint Jean et de lui-même. La sagesse a été justifiée par ses enfants, car ils savent que la vertu de continence doit toujours exister, en tant qu'habitude, tandis que pour se traduire en acte, elle a besoin de circonstances et d'occasions favorables. Dans les martyrs la vertu de patience s'est manifestée par les œuvres, tandis que dans les autres saints elle est restée à l'état de disposition intérieure. De même donc que le mérite de la patience n'est pas plus grand en saint Pierre, qui a été martyrisé, qu'en saint Jean qui n'a pas subi le martyre, de même le mérite de la continence, dans saint Jean qui est resté vierge, n'est pas plus grand que dans Abraham qui a engendré des enfants. Car le célibat de saint Jean et le mariage d'Abraham, eu égard à la différence des temps, ont tourné à la gloire de Jésus-Christ, et cependant la continence dans le premier se produisit en action, et le second ne la posséda que comme habitude. Chapitre 22. La continence avant et depuis Jésus-Christ. 27. Il est donc certain que, sous l'ancienne loi, qui suivit l'ère des patriarches, quand la malédiction avait été portée contre ceux qui restaient sans postérité en Israël, Deutéronome 25, 5 à 10, celui qui ne pouvait garder la continence ne le montrait pas, tout en possédant ce pouvoir. Mais depuis que la plénitude des temps est accomplie, Galates 4, 4, depuis qu'il a été dit, que, celui-là, comprenne, qui peut comprendre, désormais jusqu'à la fin du monde, celui qui en a le pouvoir agit en conséquence, mais que celui qui ne veut pas user de ce pouvoir, ne doit pas dire faussement qu'il le possède. Cependant c'est sous ce règne de Jésus-Christ que nous voyons des hérétiques corrompre les bonnes mœurs par des discours mauvais. 1 Corinthiens 15, 33, faire appel à une ruse aussi vaine que téméraire et dire aux chrétiens qui veulent garder la continence et refusent le mariage, es-tu donc meilleur qu'Abraham? Qu'à ces paroles le chrétien ne se trouble pas, qu'il évite de répondre qu'il se croit meilleur, mais qu'il ne renonce pas à sa résolution, car autant sa réponse serait fausse, autant son action serait blâmable. Qu'il se contente de dire, il est vrai que je ne suis pas meilleur qu'Abraham, mais je sais aussi que la chasteté virginale l'emporte sur la chasteté conjugale. Dans ses œuvres Abraham n'avait que la dernière, mais dans son cœur il les avait toutes les deux, car sa vie conjugale fut extrêmement chaste, il aurait pu conserver la chasteté virginale, mais les circonstances s'y opposaient. Quant à moi, il m'est plus facile de renoncer au mariage dont usa Abraham, que d'user du mariage comme il en usa. Voilà pourquoi, si je suis meilleur que ceux qui, vu l'incontinence de leur cœur, ne peuvent pas ce que je puis, je ne vaux pas mieux que ceux qui, à raison de la différence des temps, n'ont pas fait ce que je fais, car ce que je fais aujourd'hui ils l'auraient mieux fait que moi, si le temps en eût été venu, et ce qu'ils ont fait, je ne le ferais pas aussi bien, s'il me fallait le faire. Toutefois se rencontre-t-il quelqu'un qui se sente et se connaisse assez pour conserver intacte dans son cœur la vertu de continence, si pour accomplir un devoir de religion il était contraint d'entrer dans le mariage, et pour être père et mari comme l'était Abraham? À cette demande captieuse qui lui est faite, qu'il ne craigne pas de répondre, il est vrai, je ne suis pas meilleur qu'Abraham, même sous le rapport de la continence qu'il possédait réellement quoiqu'invisiblement, mais je puis lui être comparé puisque je possède la même vertu tout en menant un autre genre de vie. Qu'il tienne hardiment ce langage, car en y glorifiant le don qui lui est fait, il n'est point insensé puisqu'il dit la vérité. Si néanmoins il prend des ménagements, de crainte qu'on ait de lui une estime exagérée, 2 Corinthiens 12, 6, qu'il évite de se mettre lui-même en jeu, qu'il parle, non pas de la personne mais de la chose même, et qu'il affirme qu'on ressemble à Abraham, quand on peut ce qu'il a pu. Mais il peut se faire que la vertu de continence se trouve à un moindre degré dans l'âme de celui qui n'use pas du mariage que dans Abraham qui en a usé. Je ne crains cependant pas d'ajouter que cette continence est encore plus grande en lui qu'elle ne l'est dans celui qui s'est résigné à la chasteté conjugale, parce qu'il ne pouvait en faire davantage. À son tour, que la Vierge qui rapporte toutes ses pensées à Dieu, afin de se rendre sainte de corps et d'esprit, 1 Corinthiens 7, 33, quand elle s'entendra faire cette impudente question, « Es-tu donc meilleure que Sarah ?» réponde sans crainte, « Je suis meilleure que celles qui n'ont pas ma vertu de continence, mais je ne crois pas que Sarah soit de ce nombre. » Car avec cette vertu elle a agi comme l'exigeait son époque. Quant à moi je ne suis pas soumise à cette nécessité, et je puis réaliser dans mon corps la vertu qu'elle ne conservait que dans son cœur. Chapitre 23. La continence et la chasteté conjugale. 28. En comparant ces vertus l'une à l'autre, il est évident que la chasteté virginale l'emporte sur la chasteté conjugale, quoique toutes deux soient bonnes en elles-mêmes. Mais si nous comparons les hommes entre eux, le meilleur sera celui qui possède le bien le plus excellent. Or celui qui, dans le même genre, possède plus, possède aussi moins, tandis que la réciproque ne peut pas être vraie. Dans le nombre 60 se trouve le nombre 30, tandis qu'il est faux de dire que 30 renferme 60, de même dans l'accomplissement des devoirs on peut ne pas faire les actes de telle vertu que pourtant l'on possède. Par exemple on peut avoir la vertu de miséricorde et ne rencontrer aucun malheureux à qui l'on puisse faire l'aumône. 29. De là il suit que c'est à tort que l'on voudrait comparer les hommes les uns aux autres, en ne se plaçant qu'à un seul point de vue, car il peut se faire que l'un possède ce que l'autre n'a pas, mais qu'il remplace par un bien plus excellent. Ainsi l'obéissance est assurément supérieure à la continence. En effet, nous ne trouvons nulle part, dans les saintes écritures, de condamnation portée contre le mariage, tandis que la désobéissance y est partout sévèrement condamnée. Si donc vous me présentez une personne engagée dans la virginité perpétuelle, mais désobéissante, et une autre qui, engagée dans le mariage parce qu'elle n'a pu rester vierge, se montre toujours d'une obéissance parfaite, à laquelle des deux donneriez-vous la préférence? Est-ce celle qui mérite moins de louanges, que si elle était vierge, ou à celle que l'Écriture condamne, toute vierge qu'elle soit. De même si vous comparez une vierge intempérante à une épouse parfaitement sobre, hésiterez-vous à porter un jugement semblable? Le mariage et la virginité sont deux biens dont l'un l'emporte sur l'autre, la sobriété et l'obéissance sont également des biens réels, tandis que l'intempérance et la désobéissance sont des maux véritables. Or il est mieux de posséder tous les biens, ou des biens inférieurs, que d'unir un grand mal à un grand bien. Mieux vaut n'avoir que la taille de Zachée avec une bonne santé, que d'être malade avec la taille de Goliath. 30. Mais au lieu de comparer une vierge, de tout point désobéissante, à une épouse obéissante, supposons uniquement que la vierge est moins obéissante que l'épouse, sans oublier que celle-ci n'a que la chasteté conjugale, par elle-même bien inférieure à la chasteté virginale. Je suppose donc qu'il y a d'autant moins d'obéissance qu'il y a plus de chasteté et réciproquement, sans oublier qu'avant d'établir une comparaison entre l'une et l'autre, il demeure bien certain que l'obéissance est la mère de toutes les vertus, d'où il suit que l'obéissance peut exister sans la virginité, puisque la virginité n'est que de conseil et non de précepte, et, quand je parle d'obéissance, j'entends l'obéissance à l'égard des préceptes. C'est dire clairement que si l'obéissance peut exister sans la virginité, elle est absolument inséparable de la chasteté. En effet, c'est le propre de la chasteté de résister à la fornication, à l'adultère, à toute passion illicite, autrement, on viole les préceptes divins et on renonce à l'obéissance. Au contraire, la virginité peut exister sans l'obéissance, car une femme, toute résolue qu'elle est de conserver la virginité, peut désobéir et violer les commandements. Ne connaissons-nous pas un grand nombre de vierges, coupables de loquacité, de curiosité, d'intempérance, d'avarice, d'orgueil, et semant la discorde? Or il y a la violation formelle d'autant de préceptes, et autant d'actes de désobéissance, qui donnent la mort, comme ils l'ont donné à la première femme. Ainsi, non seulement je préfère une épouse obéissante à une vierge qui ne l'est pas, je mets encore une épouse plus obéissante au-dessus d'une vierge qui l'est moins. 31. C'est en vertu de l'obéissance qu'Abraham, à la fois époux et père, accepta d'immoler lui-même son fils unique, quand sur lui seul reposait l'accomplissement de cette promesse, « Je te susciterai une race en Isaac. » Genèse 21, 12. Avec quel empressement, plus vif encore, il eut embrassé la virginité, si Dieu la lui eût demandé. Comment, dès lors, ne pas nous étonner de rencontrer des chrétiens de l'un et de l'autre sexe, qui, après avoir embrassé la continence absolue, n'obéissent qu'avec une coupable négligence aux préceptes, et montrent tant d'ardeur à se refuser ce qui leur est permis? Comment ne pas voir que c'est une profonde erreur de vouloir comparer ses pères et ses mères des temps primitifs, avec les hommes et les femmes de notre époque qui vivent sans doute dans la virginité, mais qui sont moins obéissants, lors même que les patriarches n'auraient pas été intérieurement disposés à faire ce que font extérieurement ceux-ci? Si donc, il leur est un jour donné de suivre l'agneau en chantant le cantique nouveau selon cette parole de l'Apocalypse, ceux-là suivent l'agneau, qui n'ont jamais connu de femme, Apocalypse 14, 4. Le seul mérite qu'ils auront à présenter, ce sera d'être restés vierges. Toutefois qu'ils se gardent bien de se préférer aux saints patriarches qui ont usé chastement du mariage, nous l'avons dit, tous ceux qui, dans l'usage du mariage, se fait en dehors des exigences de la génération, est toujours une souillure, ne fût-elle que vénielle, autrement, s'il n'y avait aucune faute, pourquoi le pardon que promet l'apôtre? Or, je dis que si les enfants qui suivent l'agneau n'avaient pas persévéré dans la virginité, je m'étonnerais beaucoup qu'ils fussent innocents de ces souillures. Markendanarchive.org, 2021, d'après bibliothèque monastique.ch et books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.